On va parler de la MLS. La MLS a 25 ans cette année. L'autre fois, en écoutant le podcast Loin de s'en foutre avec Olivier Brett et mon invité Jean Gounelle de Réseau des Sports, j'ai appris que M. Gounelle était un des fondateurs de la MLS. Il a fait partie de la MLS il y a 25 ans. Question un peu de se rappeler des souvenirs et comment que ça s'est construit la MLS. On parle avec il collabore de temps en temps avec moi, Jean Gounelle du Réseau des Sports. Bonjour, M. Gounelle. Bonjour, Denis. Jean, d'abord, il y a 25 ans, c'était le début de la MLS. C'était en 1995. Si on se rappelle bien, la MLS a été construite. C'était une condition pour obtenir la Coupe du monde de soccer en 1994, hein? Oui, effectivement. Dani, je vais juste faire une petite correction. J'étais pas le fondateur, hein. J'étais ou j'étais pas du tout au sein de l'organisation MLS. J'étais dans les journalistes amenés à couvrir le début, le match d'ouverture et tout ce qui a touché à l'ouverture et l'inauguration de la MLS en 96. Ok, parce que de la manière que vous avez été présenté dans Loin de s'en foutre, vous faisiez quasiment partie de l'organisation. Ah non, pas dans l'organisation, pas du tout. Non. Ok, Oui, 84, 96, donc le début de la MLS, c'est ça. C'est que lorsque les États-Unis ont organisé la Coupe du Monde en 94, ils devaient avoir, dans le cahier des charges, c'est obligatoire d'avoir une ligue professionnelle qui fonctionne. À l'époque, il n'y en avait pas. Et donc, il y avait eu un tour de passe-passe pour faire passer la A-League ou APSL, c'est-à-dire l'American Professional League. Ok. Qui était une ligue professionnelle et avec des clubs semi-professionnels, dans lequel évoluait l'Impact d'ailleurs, à l'époque. Donc, cette ligue-là avait été passée comme ligue première aux États-Unis, ce qui avait permis d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. Oui. En 94, mais donc avec l'obligation pour la fédération américaine de mettre au plus vite en place une vraie ligue professionnelle nationale, et ce qui s'est passé donc avec la MLS 2 ans plus tard. Ok, mais si on se rappelle bien, c'était pas la première tentative d'instaurer une ligue de soccer d'importance. Au début des années 80, il y avait la ligue nord-américaine de soccer où le Manic était là-dedans. Là. Puis il y avait quand même plusieurs équipes. Je me rappelle du Cosmos de New York. Du Fury de Chicago. Est-ce que c'était au départ, c'était un projet ambitieux ou ça c'est parti des bases solides? Ben, il y a eu plusieurs. D'abord, il y a eu plusieurs tentatives de monter une des ligues professionnelles aux États-Unis, mais la plus connue et celle qui allait le plus loin, c'est celle effectivement des années 70 et 80, NPSL, ouais. NASL, pardon, North American Professional Soccer League, et dans laquelle il y avait le Cosmos, tous les gros marchés, qui a très très bien fonctionné durant les années 70, fin des années 70, début 80, et puis qui petit à petit, après, a commencé à tomber pour plusieurs raisons. L'une des principales étant d'avoir créé des expansions un petit peu partout. Ils ont multiplié le nombre de franchises, ils étaient à un nombre absolument ingérable. Il y a eu plusieurs marchés qui ont jamais pu survivre, et toute la ligue s'est effondrée comme ça. C'est la tentative qui a été la plus aboutie avant l'arrivée de la MLS. Ok. Si on rappelle l'an 1 de la MLS, c'était quoi? C'était-tu quand même potable? Je sais qu'on jouait dans les stades de football, plusieurs stades de football, là. Monsieur Gounel? Déjà capable de d'accueillir des spécifiquement des matchs de soccer, ça c'est vrai, mais sinon pour la plupart les équipes jouaient sur des terrains de football, soit collés de collège, soit de football américain, enfin pas de stade spécifique. Sinon pour la ligue elle-même, l'idée c'est que au départ il y avait 10 clubs et le processus de recrutement a été fait de façon très très égalitaire, hein. C'est-à-dire que vraiment l'idée était de mettre exactement le même type de joueurs et même le même nombre de joueurs dans chacun des clubs. C'est-à-dire par exemple il y avait 20 4 ou 25 internationaux américains qui étaient sous contrat avec la Ligue. Il y avait, mettons, 15 joueurs de vedettes étrangères, disons. Ouais. Et donc, si tu veux, le total étant 40, il y avait 10 clubs, il fallait qu'on en répartisse, qu'on en mette 4 dans chaque club. Et ainsi de suite, dans les joueurs semi-professionnels qui avaient été repêchés, un certain nombre de joueurs, donc on les divisait, on les répartissait tous dans les clubs. Certains, c'était parce qu'ils avaient, disons, des possibilités ou des accords pour jouer dans tel ou tel club, et d'autres n'avaient absolument pas de choix, et c'est la Ligue qui les avait mis là. Hein. OK. Je regarde les stades où ce que ça jouait, là, juste pour vous donner une idée. 76 000, le Mile High Stadium au Colorado, 102 000 au Columbus, 46 000 DC United, 92 000 Dallas. C'était des villes, vraiment. C'est comparé aujourd'hui où ce que des stades quand même de 20-25 000, des fois on joue même dans des foules de 50 000, c'est pas vraiment égal, mais c'était quand même, ça devait être difficile aussi là, de créer une bonne ambiance de foot là. Ah ben c'était il y a des matchs où c'était terrible quand on voit qu'il y a des stades de capacité à 80 000 mettons, mais qui accueillaient quoi 8-10 000 personnes, c'était pas terrible. Au niveau de l'ambiance, c'était extrêmement difficile. En plus, dans des stades pas vraiment bien faits pour justement ce genre d'événements, on disait que des très très grands stades où souvent le public est un peu plus loin du terrain, donc une petite foule là, ça donne vraiment l'impression que c'est un minuscule événement, quoi. Ouais. Et est-ce que vous direz que l'arrivée de Don Garber a fait en sorte que ça a été vraiment le début? Parce que Don Garber vient de la NFL et par la suite, là il a fait l'expansion. À quel moment qu'on peut dire que le Jello a vraiment pris? Est-ce que c'est vraiment Garber qui est arrivé ou David Beckham? Quand Beckham est arrivé, ça a donné un grand coup à la MLS. Là. Assurément. Mais il y a eu plusieurs étapes, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une croissance qui a été faite par palier, assez logique. Le début, donc, avec la mise en place, donc le président de la Fédération américaine, qui était Alan Rotenberg, qui était la personne la plus puissante, vraiment, dans le soccer... je vais pas dire nord-américain, parce qu'au Mexique, il y avait quand même des gens assez puissants aussi, mais États-Unis, Canada, Alan Rotenberg était au sommet. Le président de la Ligue, qui était à l'époque Sunil Gulati, qui est maintenant président de la Fédération, était lui aussi vraiment très, très impliqué là-dedans. Et c'est lui qui a donné cette première impulsion. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des périodes où la MLS a moins bien fonctionné, là, au début des années 2000. Il y a des clubs qui ont fermé. Ouais. On est allé chercher de nouvelles franchises. Il y a des franchises qui avaient du mal à fonctionner et que la Ligue a fait financièrement survivre, disons. Ouais. Et puis, oui, il y a eu l'arrivée, effectivement, l'étape suivante, et c'est celle qui a permis au moment où on n'était plus trop sûr, il y a eu vraiment ce coup de pied au fond et qui a permis de repartir vers le haut avec les arrivées de Beckham, joueur, et de Garber comme directeur de la Ligue. Okay. Parce qu'ils ont amené une nouvelle impulsion, dans le cas de Garber, une nouvelle vision et à la fois des nouveaux projets dans le fonctionnement de la Ligue, et puis comme il venait de la NFL, que ça avait bien fonctionné, il a eu la confiance de beaucoup de gens, dont les investisseurs. Le fait que Beckham arrive par là-dessus, ça a ramené un petit peu ça, et donc à ce moment-là, la Ligue a montré qu'elle était viable financièrement. Ouais, effectivement. Et qu'elle allait être amenée à se développer encore plus. Ouais. Et là, ça a commencé à repartir vers le haut. Ben, ça a commencé à repartir. Là, ça lâche pas. Là. Il y a des expansions. Juste pour vous donner une idée, je pense l'impact. C'est quoi? C'est le prix d'entrée. C'est 40 millions qu'ils ont payé. Puis aujourd'hui, tu peux ça peut coûter 300 millions en l'espace de 10 ans. Là. C'est incroyable là, comment que la MLS est est vraiment incroyable. Puis là. Oui, absolument, oui. Là, puis là, c'est pas parti pour baisser du tout, là, parce que là, avec l'arrivée de la Coupe du Monde en 2026, ça va donner un autre grand coup, parce que les États-Unis vont sûrement investir dans le soccer pour avoir une équipe très, très, très compétitive, pour aller au minimum dans le quart d'âge. Donc ouais. ça va populariser encore plus le soccer, là. Ben, c'est que là, oui, il va y avoir à nouveau un coup de fouet au niveau des investissements. Je pense que à ce moment-là, 2026, on sera arrivé déjà depuis quelque temps à un moment de stabilité dans la ligue, parce que là, oui, on est dans une période d'expansion régulière, hein, c'est-à-dire que depuis 2000, toutes les années 2010, on a vu continuellement des expansions arriver. L'Impact étant une de ces expansions, mais il y en a eu un petit peu avant, il y en a eu de nombreuses après. Je pense qu'on arrive à un moment là, dans les 2-3 ans qui viennent, à un moment de où va falloir couper un petit peu, stagner et arriver à un nombre abouti et pas continuer à rajouter, parce que là on arrive à 30. C'est un maximum. Ah, c'est clair. C'est un maximum pour le moment. Donc après, bah, l'étape suivante, ça va être de consolider toutes ces franchises existantes et puis effectivement d'amener le projet Amérique du Nord 2026 pour la Coupe du Monde. Et moi, je suis pas vraiment rassuré pour l'avenir de l'Impact à moyen et long terme. Pas à court terme, il n'y a pas de problème, mais à moyen et long terme, parce que là, il y a tellement de demandes de franchises, les villes, on pourra pas remplir toutes les demandes. Et je pense qu'après ça, mais qu'on ait franchi 30 ou 32 équipes, ça va être vraiment, là, la suite, ça va être probablement de déménager des franchises. Et c'est là que l'Impact va faire qu'il commence à générer des revenus. Ça va être effectivement l'une des questions. Oui, je pense qu'on arrive, comme on le disait un peu plus tôt, on va arriver à un plateau, là, bientôt. Mmh. Et que ensuite, l'étape suivante, effectivement, ce sera de regarder qui est viable, qui ne l'est pas. Et au milieu de ça, donc, arriver à un processus, oui, de déménagement, de rachat de certaines franchises. Il est certain que l'Impact, moins parler des derniers chiffres parce que je ne les ai pas, hein, du dernier bilan financier, mais c'est vrai qu'il y avait des questions, des petites inquiétudes jusqu'à l'année dernière au niveau de l'Impact. Donc effectivement, dans le système qu'on est en train de décrire là maintenant, ouais, il y aurait peut-être quelques inquiétudes pour l'Impact à moyen et long terme. Est-ce que vous voyez, monsieur Gounel, moi je pense qu'à moyen terme, là, ça va dépasser aux États-Unis la Ligue nationale de hockey. Il y a même le propriétaire du FC de Los Angeles qui a déclaré qu'il va même dépasser le baseball en frais de revenus. Ça, je suis pas convaincu, mais la Ligue nationale de hockey, je pense qu'avec toutes les multiethniques dans différents pays, le Mexique à côté, moi je vois pas comment on pourrait pas dépasser la Ligue nationale de hockey. Bah, ça va dépendre des marchés. Il y a des marchés où très certainement c'est déjà fait, et il y a des marchés où ça ne se passera jamais. Mais d'une façon générale, oui, c'est certainement l'un des objectifs, hein, maintenant de Don Garber, c'est d'installer. Là, il a prouvé que Major League Soccer était un produit qui était viable, qui était là pour rester, qui était là pour ce qui allait survivre. C'était pas simplement un phénomène de mode, Beckham, etc., mais que ça allait rester bien au-delà, que ça continuait, non seulement que ça continuait d'attirer des joueurs, mais que c'était une autre valeur même. C'était plus simplement pour des joueurs internationaux qui arrivaient en fin de retraite, mais il y a des gars qui arrivaient plus tôt même et qui considéraient comme un bon moment dans leur carrière. Donc, il y a que dans le même temps, l'intérêt continue et les clubs nord-américains, les clubs américains et canadiens continuent de développer eux-mêmes leurs propres joueurs, leurs propres jeunes. Donc, tout ça vit bien. Donc, effectivement, maintenant, le produit MLS est là et il va rester. Et maintenant, l'ambition de Garber, c'est de le mettre au niveau, effectivement, des ligues majeures classiques qu'on connaît, donc hockey, baseball, basket. Bon, il est certain que lui, il vient de ce milieu-là et qu'il veut voir absolument son produit arriver au même niveau et qu'il a les idées pour le faire. Ça va prendre du temps, mais oui, certainement. Je pense que Major League Soccer va arriver au niveau des autres à un moment. Ouais. Jean Gounel, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. Hey, merci bien. À bientôt. Il est du réseau des sports, Jean Gounel.